بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons commencer aujourd'hui à une nouvelle série de cours pour nous méditer le Coran pendant Ramadan. Ça semble important pour nous méditer en le Coran pendant Ramadan. Premièrement, Zot savent que ces musulmans, commençaient à gêner pour moi Ramadan. Et moi, Tala, c'est un mois qui est vraiment très important, et important même pour ces musulmans. En l'autre monde, là, nous avons dit ça. Nous avons pensé aux jeunes seulement. Ramadan, c'est pas seulement que vous arrêtez de manger et ou arrêter boire, c'est pas seulement ça Ramadan, c'est plus que ça. Allah a dit "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." Moi Ramadan, c'est pendant moi Ta'ala que Allah fait descendre Coran. C'est pendant moi Ta'ala que Coran descend. Et donc, ça c'est un point qui est très important. L'Iftallah, c'est Allah qui fait descendre bas nous. C'est pas un livre fabriqué par l'être humain qui a enlevé ça y parler et qui a rajouté ça y léa. Non, c'est un livre que nous peut pas modifier. Allah a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, c'est nous qui fait descendre rappel là et c'est nous qui ca protéger. C'est nous qui fait descendre rappel là, c'est-à-dire c'est nous qui fait descendre livre là Coran et c'est nous qui ca protéger. Et donc l'être humain ne peut pas changer, pas un mot en livre Tala. Pourquoi? Parce que Allah a protégé. Et vous pouvez voir que ni un lot musulman, ni un pile musulman qui a mémorisé le Coran en entier. Et donc, personne ne peut pas venir pour modifier comme ça. Aussi, vous pouvez voir que ces musulmans qui a fait un long effort pour yo apprendre langue arabe là, pour yo retourner à la base, pour yo pas baser koyo en traduction. Ça c'est un bagage qui est important. Ou ka li un livre qui est en français, ou peut pas retourner en les bases là, ou ka baser koyo en la traduction. Non, c'est pour ça que ces musulmans yo ka fait un long effort pour yo apprendre la langue arabe, pour yo connaître la langue arabe. Et si ou ouvert Coran, ou qui ouais que une traduction mais aussi original là en arabe. Et donc tout ça pour montrer qui ça que Coran pas ni pour monde qui peut modifier. Si ni un monde qui trompé quand en traduction ou que ouais, n'importe qui moun qui connaît la langue arabe, il a corrigé tout de suite. Il a dit non, ça c'est pas bon. Pourquoi? Parce que la base il a. Pas ni pour moun qui peut modifier. Et donc moi Ramadan, c'est un mois qui important même parce que c'est pendant moi Tala que Allah fait descendre l'ivli. Alors nous qui profiter pour nous méditer Tibrin, pour nous réfléchir Tibrin, nous qui choisi quelques versets de temps en temps pour nous réfléchir et pour nous apprendre à connaître livre Tala. Pour commencer, faut que vous savez que le Coran est beaucoup plus simple que composition Coran beaucoup plus simple que composition la Bible. C'est beaucoup plus simple. Nous avons regardé par exemple, en Coran, on a trouvé Coran composé de plusieurs sourates. Coran composé de plusieurs sourates. Si vous comptez, ok, ouais, 114 sourates. Coran composé de 114 sourates. toute sourate composée de plusieurs versets. Il n'y a des sourates qui n'y en l'eau verset, il n'y a des sourates qui n'y tibrin, et comme ça. Et donc, 114 versets, et 114 sourates, et toute sourate composée de plusieurs versets. Et donc, si vous ouvrez le Coran, première page que vous avez trouvé, à droite, parce que Coran nous lit de droite à gauche, pas de gauche à droite, hein? Pas tromper Coran, hein? Attention. Et donc, si vous ouvrez le Coran, à droite, première page que vous avez trouvé, c'est Sourate El-Fatiha. Sourate El-Fatiha, ça l'est dit, ouverture là. Ou quand ouvrez le Coran, première page, première sourate, El-Fatiha. El-Fatiha, ça l'est dit, ouverture là. Et sourate Tala, c'est un sourate qui est très important, qui est important même. Parce qu'en réalité, c'est une invocation qu'il a, que tout musulman a récité tous les jours, plusieurs fois par jour. Tellement c'est une invocation qui est importante. Et donc, moi, j'ai choisi quelques versets comme ça, pour nous réfléchir, pour nous méditer, Tibrin. Et donc, Allah a dit en sourate Tala, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça qu'il est dit, toute louange là pour Allah, Seigneur univers là. Seigneur univers là. Ça c'est un fondement qui a mis tout le monde d'accord. Musulmans, chrétiens, juifs, tout le monde d'accord. Allah c'est lui qui Seigneur univers là. C'est lui qui crée toutes choses, c'est lui qui crée toute bagaille. C'est lui qui crée tout ça que vous avez. Et tout ça que vous n'avez pas avez. Et donc, si Allah, c'est lui qui crée toute bagaille, pourquoi nous adorer Jésus, ou Marie, ou Saint-Jacques, ou Saint-Pierre? Pourquoi nous adorer yo? Alors que Allah, c'est lui qui crée toute bagaille. C'est lui qui crée Jésus, c'est lui qui crée Marie, c'est lui qui crée Saint-Jacques, Saint-Pierre. Pourquoi nous adorer yo? C'est pour ça que Allah a dit nous, Tibrin plus loin, dans l'autre verset, dans même sourate là, il a dit nous, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ça qu'il est dit, c'est ou celle que nous a adoré. Ça c'est pendant l'invocation. Hein. Pendant l'invocation, un musulman a dit, c'est ou celle que nous a adoré. Et c'est ou celle que nous a implorer de nous. C'est où celle que nous avons adoré. Et c'est où celle que nous avons imploré de nous. Et ça, c'est base islam là qu'il a. Ça, c'est base islam là qu'il a. Que vous avez adoré en seule divinité. Vous avez adoré en seule divinité. C'est Allah qui crée. Divinité qui crée, c'est lui que vous avez adoré celle. Et verset Allah, aussi important. Parce que Allah, c'est lui qui peut aider nous. Si Allah n'a pas aidé nous, nous ne pouvons pas faire rien. Nous n'y avons un bon exemple, et puis virus corona. Tout le monde l'a confiné. Tout le monde l'a confiné, Bokayo. Si Allah n'a pas aidé nous, comment n'y a-nous qui fait pour sortir du problème Allah? Dis-moi, comment nous avons fait pour sortir du problème de la si Allah n'a pas aidé nous? Et donc, en résumé, je dis à nous que Allah, c'est lui seul qui crée toute bagaille. Et c'est lui seul qui a mérité que nous adorions. Lui seul. Et c'est lui seul qui a mérité que nous demandions aider nous. Le nous a invoqué. On ne peut pas demander un mort, aider nous. Mandé Tala qui crie toutes choses. Et en prochain cours là, Inch'Allah, nous qui était toujours à dans premier sourate là. Nous qui parler de Allah. Ces musulmans qui a crié bon Dieu Allah. Ces musulmans qui a crié bon Dieu Allah Pouchi. Et ça l'est dit. Ça non Tala l'est dit. Et nous qui parlons aussi de la guider, de guider, Inch'Allah. Et donc, nous commandons Allah, bah nous la réussite. C'est lui qui est capable de toute bagaille.